Hey, oh, ça va? Ça c'est pas calé. Attends. Turn. Okay. Oh, 1, 2. Essaye un peu. les bonnes saisies. C'est super tramp. C'est super tramp le piano. D'accord. a pas de basse, c'est mieux. La guitare, j'avais envie de faire péter le Black Star. Version spéciale. C'est ma période bas la voile. Dirty is a French singer. Non, ça fait comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui nous a sauvé l'amour? Mais bon, ça va un peu vite. Hein. Alors, ça fait ça. Ça fait... attends, merde, j'ai perdu les accords. Alors, Do, ça fait ça. Yes. Je crois que je ne suis pas trompé. C'est que le refrain. La vitesse. Qu'est-ce qui vous sauve l'amour? Bon, bah, je vais manger en fait, je vais faire chier. Je me barre. Je me barre. Dinner. Hungry. I am hungry. J'ai faim. J'ai faim. Salut Titi. Thank you.